Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Histoire de père de famille, on dirait photographe de guerre, spectateur de ce monde, décor de sel bleu et de sable. Ce matin, il se rappelle, elle me dit c'est sois responsable. Reviens vite à la maison, cherchant ta fille, pleure. Tu es son père, sois responsable. Puis les tirs de balle éclatent, se lève pour faire son travail. Sur son appareil, croit voir l'incroyable. Voit cet homme sur son cheval, le fusil dans sa direction, plus une hésitation, le coup bas. Une seconde inévitable, sans avoir rien demandé. Laisse derrière lui une veuve, une orpheline, sur le chemin de nulle part, nulle part. Trop d'innocents dans mes lignes, trop d'assassins dans mes rimes. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ce jeune père de famille n'a pas eu le temps? Relu la vie fut si courte, se fait cher quand on a fait en dépend. Car après il est trop tard, des remords, des regrets. Tu aimes la vie quand le coup part, ce qui doit tuer c'est ton métier. Perdu sa vie, à la gagner, dans le désert jusqu'au quartier. Article 15 de la rue, échange un cliché contre sa vie. Quand elle t'accapare, seule la mort on sépare. Jugement t'aura toujours tort, demande-toi pourquoi. Histoire de ce mec de Tess qui passe sa vie entre deux tours, qui n'a pas d'avenir, qu'on craint en tête, qui suit les ans des grands à son tour, a quitté le fou pour la drogue. Le shit est devenu pour lui signe de motivation, se laisse engrainer par l'argent facile. Seul les Schmitt lui posent des problèmes dans ses relations. Tout ce qu'il possède chez lui, c'est des barrettes en pile. Seul sa meuf en dépression lui rappelle tous les jours que les flics lui mettent la pression. Si ça continue, elle n'est plus sûre de vivre. Si devant elle, les kilos se livrent, quand son mec est blindé, rentre chez lui Yves, se couche sans la calculer. Parce que les grosses têtes du quartier n'ont fait que l'engrainer. Mais c'en est trop pour elle, tu le suis possible. Un gros coup et se faire oublier. Sauf une vie de rêve, se range par peur de se faire serrer. Se met au rap, monte un projet, engrange les succès grâce à l'argent sale. Ses disques sont tous classés dans toutes les salles. Les billets pour son concert se vendent par milliers. Les gens sont tous là pour le supporter. La foule immergée est à ses pieds. Seul un homme, regard froid, saisit l'opportunité. Elle est descendue sans aucune pitié et le concert est terminé. D'après un témoin, un homme connu des services de police, à qui il aurait volé des kilos à l'époque où il vendait du bédo. Mais depuis rien n'a changé, l'homme n'a jamais oublié. Comme au comico, au quartier t'es fiché. Quand tu touches au braco, la mort seule peine possible. Et pas question de faire appel, faire seul juge sans rappel. Aucune délibération, la décision est prise. Et cette fois-ci, c'est la sanction. Pourquoi les gens font-ils des choses qui plus tard font regretter? S'emparent de leur destin sans écouter ce qu'on leur dit. Faire le bon choix pour son futur, éviter de se prendre le passé dans un mur. Là où la population est sûre de vivre plus 60 ans, certains ont brisé cette chance, c'est nous couper en deux. À toi qui suis délire, peut-être que si on est deux, tu comprendras encore plus que la raison est plus forte que la prison. À présent, range-toi, oublie les mauvaises faces de la Tessie qui te poussent dans les soucis, même si ton équipe est avec toi. Ils t'oublieront une fois entre quatre murs, crois-moi. Si tu suis cette direction, c'est dans un mur qu'on te trouvera. Demande-toi pourquoi. Histoire d'un surdoué, né comme ça sans avoir le choix. À 15 ans déjà grand, veut la paix dans ce monde. Encore chez ses parents, d'origine africaine, victime de racisme et de haine. Voilà le premier problème. Depuis petit à l'école, même les siens l'ont mis à l'écart. C'est le second dilemme, il rentre chez lui chaque soir. Sa mère à la cuisine, son père en train de boire. Un peu plus tard, une fois bourré, tape sa femme pour se soulager. L'insulte de tous les noms, comme il a souvent fait. Le fils respectateur, il sait ce qui pourrait arriver. Il a si mal au cœur, comment l'en empêcher? Il prend le calibre de son père pour pouvoir le faire taire. Une balle aura suffi au jour où la vie se méfie. La mort ne lui fait pas peur. Face à face avec l'auteur, canon chargé se sacrifie. En une seconde, tout est fini. Résultat, la daronne se retrouve seule. Destination l'HP, les flics ou même l'asile. Faut-il subir ou souffrir? Là est la question. Un mort c'est lourd sur la conscience. Surtout de cette façon, ni les cons ni la science te rondonneront ses chances. Pourquoi? Pourquoi de nos jours l'intelligence te tue quand l'alcool te rend sourd? La piquette au dernier cru quand la thune te rend fou. Rien ne justifie cette violence. On s'entend trop, j'ai dans la tête. Subis le temps passe, viendra le jour où tu te caches. Et peu à peu s'efface l'enfance finalement. Demande-toi pourquoi, demande-toi.